enfin c'est tout. Marie-Jeanne s'est mariée avec un oiseau. Cours sur pattes, pas un cheveu sous le chapeau. Trois enfants dont deux sont complètement idiots. Les beaux-parents qu'elle a toujours sur le dos. Je ne donnerai jamais pour de l'or le corps que ma maman m'a fait. Marie-Laure est déjà trois fois divorcée. Moi, Marie, qu'elle a complètement déglingué. Elle qui voulait toujours aimer pour aimer. La Marie-Laure touche des pensions insensées. Ressemble à la folie. On finirait par se venger, mais plus tard. L'important pour nous c'était de tout savoir. De chasser la nuit le démon, les dortoirs. De chasser la nuit le démon, les dortoirs. Les Marie-Laure, les Marie-Jeanne, dans la fumée de ma gitane. Que sont nos amours devenus? Les hommes étaient des chiens, obsédés par des pensées toujours obscènes. Marie-Pierre, on l'a recueilli des dizaines, pour une heure, pour une nuit, pour une semaine. Difficile de les garder au bout d'une chaîne. Marie-Pierre, Roberta, le numéro 90, la meilleure ailier des Yankees de Memphis. Roberta était une montagne. Jamais oublié l'Himalaya de nos fantasmes inavoués. Il paraît qu'elle serait heureuse et mariée. Les Marie-Laure, les Marie-Jeanne, dans la fumée de ma gitane. Que sont nos amours devenus? D'ailleurs, où sommes-nous tous allés? Sont-ils arrivés? Est-ce que nos rêves se sont perdus? Ou bien avons-nous disparu? Très heureux de vous retrouver pour la seconde fois dans cette salle à Bercy.